afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceci, il y aura un pardon et un don généreux.